comprendre la Chine par son histoire. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Carl Derry. Il me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle émission que je vais animer à toutes les semaines et qui portera entièrement sur la Chine, plus particulièrement sur l'histoire de la Chine. Comme vous le savez, la Chine est omniprésente dans l'actualité, au moins depuis le tournant du 21e siècle, et surtout depuis l'organisation des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Ou encore, on a eu l'exposition universelle de Shanghai en 2010, et c'est encore plus vrai depuis le commencement de la présidence de Xi Jinping en 2012-2013. Alors qu'on voit de plus en plus la Chine s'affirmer sur la scène internationale avec une vigueur renouvelée. La croissance de la Chine suscite de nombreuses interrogations et les réactions des observateurs varient considérablement, allant de l'indifférence à l'adulation, la curiosité, la méfiance, voire la crainte. N'oublions pas par contre que l'attrait que nous pouvons avoir pour l'Empire du milieu ne date pas d'hier. Nous sommes bien loin d'être les premiers en Occident à se questionner, voire à être fascinés par ce pays-civilisation. On peut commencer par penser au Livre des merveilles de Marco Polo, livre qui a eu un impact considérable en Europe à partir du tournant du 14e siècle. On peut penser aussi à la mode des chinoiseries européennes au 18e siècle, qui a notamment marqué la plupart des penseurs des Lumières, de Voltaire à Montesquieu en passant par Diderot, Leibniz et même Rousseau. Si on revient à l'actualité récente, on apprenait cette semaine que le président chinois a reçu une vingtaine de ses homologues au cours d'un important sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, sommet qui a eu lieu dans la ville de Tianjin du 31 août au 2 septembre dernier. Le sommet a été suivi par l'un des plus imposants défilés militaires auxquels on a eu droit d'assister depuis les dernières années. Le défilé a eu lieu le 3 septembre et visait à célébrer les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle en Chine la victoire du peuple chinois dans sa guerre de résistance contre le Japon et la victoire mondiale contre le fascisme. N'en fallait pas plus pour que les commentateurs de tout acabit y aillent de leurs pronostics et de leurs prévisions sur l'évolution de la querelle commerciale entre la Chine et les États-Unis, sur la rivalité géopolitique de ces deux géants qui semblent parfois vouloir se partager le monde en zone d'influence. On s'interroge à droite et à gauche pour tenter de savoir qui sera le numéro un mondial entre la Chine et les États-Unis, quelle sera la prochaine guerre à venir, et bien sûr, qui de ces deux pays remportera cette guerre? Qui a l'armée la plus puissante? Plutôt que de vouloir ajouter une autre voix à ce concert discordant, où chacun y va de son interprétation et de sa projection sur les intentions, sur les motivations de la Chine ou sur le déclin des États-Unis et de l'Occident, je vous propose plutôt de prendre un peu de recul sur les événements qui se bousculent parfois sous nos pieds à une vitesse prodigieuse. La perspective historique que je vous propose ici nous permet justement d'avoir du recul sur les événements qui bouleversent parfois nos vies, tout en proposant des analyses détaillées sur des phénomènes complexes. L'histoire, telle que je la vois, n'a pas pour objectif de critiquer ou de condamner les actions posées par des individus, ni encore de porter des jugements de valeur pour savoir qui est le meilleur dans qui fait quoi. En étudiant l'histoire, notre objectif n'est pas non plus de chercher à deviner ce qui pourrait arriver dans le futur, comme le font plusieurs commentateurs de l'actualité, mais bien plutôt d'observer le passé et de tenter de le comprendre. Chercher à y déceler des dynamiques significatives, des récurrences notoires, des particularités dignes de mention, le tout dans un désir de comprendre une diversité de phénomènes humains, et pourquoi pas de s'en inspirer un peu. C'est donc avec beaucoup de fébrilité que je vous propose de m'accompagner ici, sur ces ondes, à toutes les semaines, afin de prendre la Chine par son histoire. Une émission au cours de laquelle on parlera d'histoire et d'actualité, mais aussi une émission qui sera entrecoupée de découvertes musicales. Parlant musique, commençons tout de suite avec une première pièce interprétée par Jay Chou, intitulée « Water Tea Pair ». 样的灵魂要去控制，我是老师，我是不是真的不懂事，听我念老师歌词，心中我打拳的样子，我站在教室你的方式，你的样子直到一致， 特别的小姑娘哭得需要勇气，没人玩情商游戏，我变出好戏，我是一号正在练习，一面注意同学的要去，不要乱色是个好意，请记着这个你的唇白，像你别离你的窗外，我将第一的门打开，把所有发生的事记下来，在我地方吃你就得听我的，半夜上班用你绝色快乐，开始猜测歌我个人的特色，每天来临自然坚持到这个字，在我地方吃你就得听我的，节奏在走位我看见无尽的歌，老板开心词每个你从不分，大家不及格记得全部是个词， 他那个情的开始真用到你的手指，看着未来的历史我用手机转中文字，那转出的速度绝对会让你们竖起大拇指，生活不该有公式，我可以随心的发呆，舞这节拍手放开静下来，你像一只天鹅把脚尖卷起来，将就舒适的这年代也给你很天真的说爱， 在我地方吃你就得听我的，半夜上班用你绝色快乐，开始猜测歌我个人的特色，每天来临自然坚持到这个字，在我地方吃你就得听我的，节奏在走位我看见无尽的歌，我看开心词每个你从不分，大家不及格其他全部是个词， La chanson qu'on vient d'entendre s'intitule « What a Teeper », qu'on peut traduire littéralement par « Mon territoire ». Mais on pourrait le traduire de manière un peu plus familière en disant « C'est chez nous, c'est la place où je me retrouve dans mon élément, l'endroit qui me fait sentir que je suis sur mon X, que je suis à la bonne place ». Alors que pour certains, l'endroit où ils se sentent à leur place pour être à travailler dans leur jardin, ou encore à relaxer dans une chaise berçante sur la galerie. Pour moi, c'est l'histoire de la Chine. Je passais plus d'une vingtaine d'années à étudier, faire de la recherche et enseigner l'histoire de la Chine un peu partout, dans les universités du Québec et ailleurs. C'est donc avec cette chanson, que je trouve d'ailleurs tout à fait appropriée, que je vous accueille dans mon élément, « Daiwa de Teeper », comme le chantait Jay Chow à l'instant. Dans mon chez-nous à moi, et que je vous invite à venir partager de semaine en semaine cette émission consacrée à l'histoire de la Chine. Jay Chow, aussi connu sous son vrai nom qui est Zhou Jielun, c'est un chanteur qui est originaire de Taïwan, ce qui est un aspect non négligeable pour notre propos. Ça me permet de préciser tout de suite quelques considérations méthodologiques qui m'apparaissent essentielles pour notre émission, exactement comme on le fait dans une salle de classe. Parce que les mots qu'on emploie, les concepts doivent être clairs et bien compris de tous, il est essentiel d'en préciser dès le départ notre compréhension et la signification qu'on en retient. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire par une question. Je vous propose de prendre la Chine par son histoire, mais au fait, qu'est-ce que la Chine? China, Zhongguo. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est une culture ou une civilisation? On a coutume dans les médias et l'opinion publique de parler de la Chine à partir de la définition contemporaine qu'on se fait d'un pays, incluant un peuple, des institutions politiques et un territoire donné. Ce qui est tout à fait adéquat pour notre compréhension du monde d'aujourd'hui. La Chine est effectivement un État-nation qui s'appelle en fait la République populaire de Chine, Chunghua Zhenminguo. Mais lorsqu'on étudie l'histoire de la Chine dans la longue durée, on se rend vite compte que cette définition contemporaine associant la Chine à un pays nous masque une importante part de la réalité historique. On découvre en fait très rapidement que même si le concept de Chunghua, qu'on traduit souvent par « pays du milieu », fait partie de l'histoire du pays depuis des millénaires, le concept n'a jamais eu une signification stable et catégorique, comme c'est le cas aujourd'hui, et que le concept reflétait davantage un espace de civilisation partagée plutôt qu'un pays. Surtout, si on part de la définition contemporaine qui est très rigide de ce que signifie la Chine en tant que pays pour tenter de comprendre son passé, on risque d'abord de plaquer nos préjugés, nos stéréotypes sur les acteurs du passé. On risque aussi de faire des anachronismes en attribuant des intentions et des croyances à des acteurs qui ont vécu à des époques alors que certaines idées n'existaient même pas encore. Et bien sûr, on risque de passer à côté de dynamiques historiques essentielles qui nous permettent d'apprécier toute la richesse et la diversité de cette civilisation remarquable. Ne perdons jamais de vue le fait que la Chine d'aujourd'hui ne correspond pas à la Chine d'hier et que celle-ci ne se limite pas toujours à des frontières politiques rigoureusement tracées. Pour bien illustrer la Chine à laquelle je fais mention, je vous réfère tout de suite à l'un des plus grands sinologues français de la fin du 20e siècle, soit Jacques Gernet. Jacques Gernet a publié au cours de sa carrière une somme considérable de travaux. Il a notamment publié sur la vie quotidienne à l'époque de la dynastie Song. Il a aussi publié sur la réception du christianisme en Chine à l'époque moderne. Mais surtout, Gernet a publié une œuvre monumentale intitulée « Le monde chinois », publiée pour la première fois en 1972, puis rééditée en 1999 et encore une fois en 2006, cette fois en format poche. Une œuvre qui dépeint l'ensemble de l'histoire de la Chine à partir d'une approche inspirée de l'histoire des civilisations, des origines jusqu'à nos jours. Gernet fait partie des spécialistes qui ont considérablement marqué ma formation académique et mon approche à l'égard de la Chine. Et je reviendrai très certainement sur le sujet au cours d'une prochaine émission. Quand on aborde la Chine en parlant du monde chinois, comme le faisait Gernet, ça permet de mettre en valeur la diversité et la richesse des expériences historiques, des populations, des territoires impliqués au contact de cette civilisation florissante. Et ce, même s'ils n'ont pas toujours fait partie des frontières politiques de ce qu'on appelle la Chine proprement dite. Des frontières qui, rappelons-le, ont été fluctuantes tout au long de l'histoire. La Chine qu'on va découvrir ensemble au fil des semaines, c'est donc en quelque sorte le monde chinois de Gernet dans sa plus large définition. C'est une Chine qui prend en considération autant les populations de la diaspora chinoise que celles vivant sur le continent. Une Chine qui tient compte de toutes les voix qu'elle porte, que celles-ci soient dissidentes ou qu'elles se fassent le porte-voix de l'orthodoxie politique. L'émission que je vais vous présenter à toutes les semaines sera construite comme un cours universitaire, à partir du matériel de recherche et d'enseignement que j'ai développé au fil des ans. L'idée d'offrir ce cours à la radio, c'est une idée qui m'est venue alors que j'enseignais l'histoire de la Chine dans le cadre de programmes à l'Université du Troisième Âge. Que ce soit à Shawinigan, à Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville ou ailleurs au Québec, j'ai croisé, dans le cadre de l'Université du Troisième Âge, un nombre considérable d'hommes et de femmes passionnés d'apprendre, curieux d'en connaître davantage sur ce pays d'Extrême-Orient. Malheureusement, par contre, j'ai aussi rencontré des auditeurs qui ne pouvaient pas toujours s'inscrire ou se déplacer pour venir en classe, et ce, pour diverses raisons. C'est donc afin de réduire les difficultés qui sont liées à l'enjeu des déplacements pour certains ou à l'accessibilité à des salles de classe restreintes pour d'autres, que j'ai décidé d'offrir ce cours à la radio, afin de pouvoir rejoindre le plus grand nombre possible d'auditeurs qui sont intéressés par la matière. L'enseignement de l'histoire de la Chine me paraît trop important en ce moment de notre histoire pour rester cantonné à l'intérieur d'une salle de classe. À cet égard, la radio étudiante de l'UQTR m'apparaît donc comme le véhicule idéal pour l'enseignement de ce cours d'histoire, afin de le rendre accessible au plus grand nombre d'individus possible. Mais aussi parce que le format d'une émission de radio nous permet de diversifier un peu le contenu et d'accorder une place tout aussi importante à la musique. Parlant musique, la deuxième pièce musicale que je vous propose aujourd'hui, c'est l'une de mes préférées que contient le répertoire de la musique chinoise contemporaine. C'est une pièce qui est interprétée par un chanteur qui était très populaire dans les années 80. Un chanteur que vous entendrez régulièrement au fil des semaines dans le cadre de cette émission. On l'appelle parfois le père du rock'n'roll chinois. Je vous présente Cui Tian, C-U-I espace J-I-A-N, Cui Tian, ça s'écrit comme ça se prononce. Il nous interprète donc une pièce intitulée Tia Xing Seng, Fake Monk.